le 7 octobre prochain, le Parti québécois va avoir un nouveau chef. Il y a un sondage qui a été publié en fin de semaine qui laisse entendre que rien n'est joué. C'est plus serré qu'on pensait entre les différents candidats. Et puis justement, le candidat Jean-François Lisée est au bout du fil. Bonjour, Monsieur Lisée. Bonjour, Monsieur Lelièvre. Et bienvenue à CKRL. Je ne sais pas si on vous a entendu récemment sur nos ondes. C'est une nouvelle offre en information là, qu'on commence ici à la station. Je suis très heureux d'être avec vous en ce premier jour de rentrée. Eh oui, ben oui, il y a des gens qui sont en vacances, mais pas vous et pas nous non plus, animateurs de radio. Je sais pas si c'est dans vos habitudes, là, Monsieur Lisée, de commenter les sondages, mais il y a deux volets dans ce sondage léger Journal de Québec, Le Devoir, qui a été rendu public en fin de semaine. Le premier concerne les intentions de vote. Le Parti québécois qui stagne à 29 % des intentions de vote et le Parti libéral de Philippe Couillard qui, lui, gagne 2 points malgré toute cette controverse, là, notamment entourant la vente de Ronald, départ d'un ministre également. Est-ce que c'est un peu inquiétant, ça, pour votre parti? Quelle est votre lecture de ce sondage-là? Ben, écoutez, je suis très pressé qu'ils baissent davantage que ça, les libéraux, mais ce que je comprends, et puis moi, je suis en politique quand même depuis quelques temps, c'est qu'il n'y a rien de mieux qu'un été pour un gouvernement. D'ailleurs, Robert Bourassa, à l'époque, demandait à ses ministres d'être complètement absents pendant un mois ou deux, et le gouvernement devenait tout de suite plus populaire. Mm-hmm. Alors, donc l'été est toujours une période de grâce pour un gouvernement. Mais c'est clair pour moi que c'est difficile de demander à des gens d'adhérer, de dire qu'ils vont voter pour un parti, le Parti québécois, qui n'a pas de chef. Mm-hmm. Parce que pour les gens, bon, le parti s'identifie beaucoup au chef, et ça fait une grosse différence, que ce soit Pauline Marois ou Pierre-Carl Péladeau, ou l'un des candidats actuels. Alors, je pense qu'on va avoir une mesure différente dans un mois, lorsqu'un nouveau chef sera élu, qui aura le temps de se faire connaître. Et dans ce cas-là, je pense qu'on va avoir une montée là, qui sera, j'espère, significative. Ouais, on est bien curieux de voir qui sera la tête du Parti québécois dans un peu plus d'un mois. En ce qui vous concerne, ça semble aller de mieux en mieux. Là, dans ce sondage, on voit que vous avez 23 % d'appui. Pardon. Oui, vous êtes à 23 %, je crois bien. Hein? Ouais. Donc, en hausse de 8 points tout de même, ça vous laisse... vous avez... tous les espoirs sont permis, autrement dit, pour vous. J'imagine que c'est bien accueilli par vous et votre équipe. D'abord, ça confirme ce qu'on voit sur le terrain en termes de présence des membres. C'est vrai que cet été, tout le monde a pris des vacances bien méritées, mais les candidats, on a fait le tour du Québec, on a rencontré des membres du parti, des militants qui, eux, étaient très mobilisés, sont venus à nos rencontres, sont venus à nos premières discussions. Il y a eu des mini-débats dans des régions. Pardon. Et on sent bien qu'il y a une forte réceptivité pour les idées que j'avance, que ce soit sur le référendum ou une immigration plus prudente ou le gel de la rémunération des médecins et tout ce que j'avance. Et donc, le sondage reflète cette montée-là, peut-être en la sous-estimant, parce que le sondage est fait auprès des électeurs péquistes. On parle des sympathisants péquistes, justement. Alors, qui sont ces gens? Tous ces sympathisants ne sont pas susceptibles de voter les 6 et 7 octobre prochains? Exactement. Alors, donc, seulement ceux qui ont une carte de membre du Parti québécois et qui la prennent d'ici mercredi, là. Ils ont 48 heures pour prendre leur carte de membre. Ça coûte 5 $. Vous allez sur pq.org et vous pourrez voter dans un mois. Et ça, il y a à peu près 80-90 000 personnes au Québec qui ont ce privilège d'être membre du Parti québécois et de pouvoir voter. Alors, parmi eux, évidemment, ils sont beaucoup plus attentifs à la course. Et nous, on a l'impression qu'on est beaucoup plus serré entre Alexandre et moi dans le décompte. Mais c'est clair que ma campagne semble être sur une courbe ascendante. Oui, mais justement, je sais pas, vous imaginez que vous menez vos propres enquêtes à l'interne dans votre équipe de campagne. Il y a un Bernard Drainville, nouvellement animateur de radio, qui évoquait une course encore plus serrée entre vous et M. Cloutier. Et là, ça a été un peu la surprise de voir que M. Cloutier était encore à 39 % d'appui, donc 16 points en avance. Vous, à l'interne, les signaux que vous avez sont encore plus optimistes, là, c'est ça que vous nous dites. Oui, tout à fait. Alors, c'est normal qu'il y ait une différence entre les électeurs et les membres. Et ce que Bernard disait, c'est qu'il avait obtenu des pointages d'une équipe qui n'est pas la mienne, parce que nous, on a décidé de ne pas faire de pointage avant le 7 septembre, parce qu'on a deux mobilisations très fortes. D'abord, la vente de cartes de membres d'ici le 7 septembre, et on a une grande, grande assemblée demain soir au Club Soda à Montréal à 19h30 avec des artistes. On va célébrer la souveraineté en chanson et en humour. Alors, on s'est concentré là-dessus et on va se mettre à faire du pointage par la suite. Mais ce que Bernard disait, c'est qu'il avait obtenu de deux sources des éléments qui lui permettaient de dire que Alexandre et moi étions à égalité. Bon, ben on verra ça. En tout cas, de toute façon, les sondages évoluent. Il reste encore un mois. Beaucoup de choses peuvent changer. On peut peut-être s'en aller plus sur le terrain des idées. On sait que vous avez beaucoup de choses à proposer. Premier débat, je crois, demain, n'est-ce pas? Oui. Il sera certainement question de l'article numéro 1 du Parti québécois, l'indépendance du Québec. Martine Ouellette a dit dans une entrevue au Devoir que vous faisiez preuve d'attentisme. Elle a même parlé de défaitisme, là, parce que vous promettez de ne pas tenir un référendum et ne pas engager d'argent public dans une démarche vers l'indépendance dans un premier mandat. Est-ce que, M. Lisée, c'est pas vous tirer dans le pied un peu que de tourner le dos à ce qui est la raison d'être là, de votre parti? Alors, je pense qu'aucun des candidats ne tourne le dos à la raison d'être du parti. Au contraire, on propose chacun, à sa façon, une démarche pour y arriver. Et moi, j'appelle ma démarche le chemin des victoires, parce que je ne veux pas risquer des défaites. Alexandre propose que on fasse une grande tentative de faire monter l'appui à la souveraineté et à un référendum en 2017 et en 2018. Si ça marche, ben il va proposer un référendum dans le premier mandat. Mais si ça marche pas, ben il va dire ben on a échoué. Alors on change d'avis. Moi je veux pas ça. Je veux aucun moment à partir de maintenant où les souverainistes échouent à quoi que ce soit. Martine, elle dit non, on va être capable en 24 mois. De prendre une population dont 86% ne veulent pas de référendum dans un premier mandat et se faire élire quand même. Bon, c'est très, très, très optimiste et c'est très risqué. Moi, je ne veux pas risquer de redonner le pouvoir aux libéraux en 2018 juste parce que nous, on s'est précipité sur une décision à laquelle les gens ne sont pas prêts. Alors moi, je dis, mon chemin des victoires, c'est d'abord d'unir les Québécois pour se débarrasser du gouvernement libéral le plus toxique de notre histoire en 2018, puis il faut pas rater notre coup, puis il faut pas leur donner d'arguments. Et préparer les Québécois en leur disant, on vous donne un rendez-vous avec l'idée d'indépendance à l'élection suivante en 2022. Et on va prendre ce temps-là en tant que mouvement indépendantiste pour prendre nos positions, vous les expliquer, parler à la diversité québécoise, parler à la jeunesse québécoise, parler aux gens de Québec, et rebâtir les ponts, rebâtir la confiance. Et en 6 ans, entre maintenant et ce moment-là, moi, j'ai bon espoir qu'on va réussir à avoir une majorité en 2022 pour être un gouvernement qui va, à ce moment-là, utiliser les fonds publics, bien sûr, si on a le mandat de réaliser la souveraineté et s'en aller vers une victoire. Mais dans une campagne électorale où, hypothétiquement, vous êtes chef et on évacue la question de la souveraineté pour un premier mandat, comment est-ce qu'on arrive à distinguer un peu le Parti québécois? On voit, par exemple, la coalition Avenir Québec qui joue un peu, j'ai l'impression, qui marche sur vos plates-bandes avec tout ce virage nationaliste et en voulant un peu resserrer aussi l'immigration. C'est des propositions qui sont semblables à ce que vous avez déjà fait, là. Monsieur Lelay, vous posez exactement la bonne question. Moi, je pense que si je suis chef du parti, les premiers jours de la campagne de 2018 seront consacrés à constater l'incompétence du Parti libéral. Mm-hmm. Et ensuite, on va comparer les deux offres de remplacement, c'est-à-dire le Parti québécois et la CAQ. Et là, on va voir les différences qui sont majeures. Premièrement, sur Énergie Est, la CAQ est favorable au fait qu'il y a un pipeline qui traverse 860 de nos cours d'eau et qui participe au réchauffement planétaire si on a un chèque. Okay? Donc, M. Legault, lui, dit, je vais mettre nos cours d'eau aux enchères. Et si je suis d'accord avec le chèque, on va le laisser passer. Alors ça, c'est une erreur majeure. Ça va leur faire un tort considérable parce que pour moi, il n'est pas question de laisser passer ce pipeline-là. Mm-hmm. Deuxièmement, sur le nationaliste lui-même, sur la langue, par exemple, ils font semblant d'être pour le français. Mais la chose la plus importante à faire pour la protection du français dans la région de Montréal, c'est de franciser les entreprises de 25 à 50 employés, qui est le lieu de l'anglicisation des allophones. François Legault est contre ça. Il a voté contre quand il y avait l'occasion, lors du gouvernement Marois, on avait un projet de loi là-dessus, et c'est la raison pour laquelle il n'a pas voté le projet de loi. Alors, c'est juste, comme disait M. Parizeau, des paroles verbales sur la langue, ce que fait M. Legault, et là, on va voir la différence. Mais même sur l'immigration, on voit très bien que c'est un apprenti sorcier. À chaque fois qu'il fait des propositions, c'est mal attaché, c'est inapplicable, c'est pas crédible. Tu sais, quand il a dit, lui, il veut 40 000 immigrants par année, Couillard, lui, il en voudrait 60. Pourquoi 60? Pourquoi 40? On n'a pas la moindre idée. C'est de la politique pure. Moi, je dis, écoutez, on va dépolitiser ce dossier-là. On sait que 50 000 par année, c'est le chiffre de l'échec. Pourquoi? Parce qu'il y a des ingénieurs qui chauffent des taxis, des techniciennes spécialisées qui servent aux tables. Ça n'a pas de sens. On les accueille mal. Alors moi, je vais demander à une des personnes qui est encore crédible au Québec, le vérificateur général, qui a fait une étude très lourde sur nos capacités d'intégration des immigrants il y a quelques années, de nous indiquer, compte tenu de l'argent qu'on met là-dedans maintenant, combien de nouveaux arrivants est-ce qu'on peut accueillir en pensant qu'ils vont raisonnablement bien s'intégrer. Est-ce que c'est 32? Est-ce que c'est 44? Est-ce que c'est 28? Qui nous le dise, lui? Lui, il n'essaye pas d'avoir des électeurs, il n'essaie pas de faire de la politique avec ça, et c'est cette recommandation-là qu'on va appliquer si moi je suis au gouvernement. Bon, je vous entends, là, il y a des... Donc, vous voyez quand même bien des distinctions entre vous et la CAQ. Sur l'immigration, on laisse un tiers indépendant décider. La CAQ est pour Énergie Est, vous êtes contre. Sur la langue aussi, il faut franciser les entreprises à Montréal. Mais je voudrais vous entendre à nouveau, vous ramener sur la question là, des valeurs québécoises et de l'intégration des immigrants, parce que c'est un débat qui sera inévitable à l'automne. Le Parti libéral va donner suite un peu à votre charte des valeurs québécoises, enfin celle du Parti québécois, avec sa loi sur la laïcité. On mentionnait M. Legault qui s'est exprimé aussi sur l'immigration et aussi ce fameux test des valeurs. Vous logez où dans tout ce débat-là? Là, par exemple, sur le burkini. Il me semble qu'on ne vous a pas entendu sur le burkini. Il y a plusieurs choses. D'abord, moi, j'ai proposé de rejeter et le multiculturalisme et l'interculturalisme en ayant un nouveau concept que j'appelle la concordance culturelle. On dit, mais voici ce que c'est être un Québécois. C'est pas être chrétien, c'est pas être membre de la SSJB, c'est pas avoir une ceinture fléchée, c'est croire que nous sommes une nation, le français est notre langue officielle et commune. Nous avons un récit historique singulier que chacun est appelé à connaître. Nous avons une culture de forte prédominance francophone dont chacun est appelé à connaître, disons, les canons, les choses essentielles. Et on est très attaché à des valeurs universelles que sont l'égalité des hommes et des femmes, la laïcité, l'entraide, la coopération, la démocratie et le progrès social. C'est ça, être Québécois. Si vous aimez pas ça, vous n'êtes pas au bon endroit. Et c'est ça que je veux qu'on transmette à l'ensemble des Québécois dans un nouveau cours de citoyenneté québécoise qui remplacerait le cours éthique et culture religieuse. Je voulais vous entendre, M. Lisée, sur le multiculturalisme à la Justin Trudeau, parce que M. Trudeau demeure très populaire et pourtant, son option du multiculturalisme où on accepte tout le monde, on autorise le port du hijab à la GRC, des choses comme ça, ça s'oppose quand même à votre vision à vous. Oui, tout à fait. Moi, je pense qu'il y a déjà 10 ans que la commission Bouchard-Taylor nous a dit pour les policiers, les juges et les gardiens de prison, aucun signe religieux ne devrait être accepté. Moi, je suis d'accord avec ça. J'espère que ça va être dans le projet de loi que M. Couillard va déposer. Sinon, on devrait proposer cet amendement-là. Ça, c'est la moindre des choses. Le rapport que M. Charest recommande ça, on devrait agir là-dessus. Maintenant, sur les autres aspects, bon, par exemple, sur la burkini puis la burqa et ces choses-là, moi, ce que je dis, c'est, écoutez, pourquoi est-ce que ça arrive maintenant? C'est pas parce qu'il y a des femmes musulmanes au Québec qui ont eu cette idée-là, tu sais, dans le développement normal de leur foi. Non. C'est parce qu'il y a des théocrates obscurantistes en Arabie Saoudite puis en Iran qui, depuis des décennies, mettent des dizaines de millions de dollars pour financer des imams qui disent aux femmes que Dieu les oblige à se cacher. C'est de là que ça vient. C'est ça le défi devant lequel on est. Il n'y a pas une femme québécoise qui, spontanément, s'est dit « Je devrais me promener avec une prison ambulante sur la rue. » C'est pas arrivé comme ça. Alors moi, je dis, écoutez, on a une discussion à avoir là-dessus. Il y a 10 pays européens qui ont discuté de ça, qui ont légiféré de différentes façons sur le burqa dans l'espace public. Alors, pourquoi est-ce que nous, on ne devrait pas avoir cette discussion-là? C'est ce que j'avance. Bon, ben en tout cas, il sera certainement question de ça et de bien d'autres choses dans les 4 semaines qu'il reste dans cette course à la direction du Parti québécois où il y a un suspense là qui se crée de plus en plus. On va suivre ça avec intérêt, mais c'est intéressant au moins qu'il y ait un débat de fond, des débats d'idées de fond qui se jouent. Alors, ben Monsieur Jean-François Lisée, vous êtes évidemment député de Rosemont, candidat dans cette course. Merci de nous avoir accordé quelques minutes ici à CKRL. Ça a été un grand plaisir et je vous souhaite une très bonne saison. Et merci, bonne journée à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Vous avez une information à communiquer? Écrivez-nous à info@ckrl.qc.ca.